quelle heure on va manger? J'ai bossé toute la journée. Mettre les pieds sous la table et profiter d'un bon repas chaud. Allez maman, fais-moi la tambouille. Une entrée, un plat, un dessert, un café. J'appelle chérie pour éviter l'embrouille. Et hop la boum, le tour est joué. En pifon de sardines et de hareng. Je lui dis chérie, y'a un petit souci. Mon verre de pastis s'est vide, alors remplis-le et vite. Moi je bouge pas, je suis dans les bras du Yorkshire. Lui au moins, il me contredit pas. Lui au moins, il est pas véléitaire. J'ai la peau du ventre bien tendue. J'ai fait mon rôle, je vais aller dormir. J'ai pas le temps de m'apesantir sur les propos de Bob-Bomb. Un des remarques, elle en fait des tonnes. Elle n'a pas droit au chapitre, alors ses insultes, je m'entends pas. Homme de loi que l'on appelle avocat. Je ne crains pas ces petits soldats. Encore moins. Les voisins, ce ne sont que des chiffres molles. Ils ont